Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et après cette entrée chimico-religieuse, on va entrer dans un sujet beaucoup plus actuel, la recherche d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Les chercheurs de l'Université Laval ont fait une percée significative dans ce domaine et c'est Camille Bélanger-Vincent, une nouvelle chroniqueuse à l'émission, qui va nous en parler. Camille a un bac en microbiologie, et fait en ce moment un certificat en journalisme. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, donc, les chercheurs sont en route pour un nouveau traitement contre l'Alzheimer? Oui, c'est ça. Ben, en route, on n'est pas rendu à la fin de la route encore, mais ça s'en vient. En chemin. Voilà. Donc, il s'agit en fait d'un vaccin, mais là, on ne parle pas du même type de vaccin que celui qu'on reçoit, par exemple, pour traiter une grippe. Dans le cas d'une grippe, le vaccin utilisé encourage notre corps à produire des anticorps dans le but de combattre l'infection. Pour ce qui est du vaccin là, contre l'Alzheimer, qui est d'ailleurs toujours au stade expérimental, il n'agit pas du tout de la même manière. Après tout, c'est logique parce qu'il n'y a absolument rien là, jusqu'à maintenant qui tend les scientifiques à croire que l'Alzheimer serait causé par un micro-organisme là, comme une bactérie ou un virus. Oui, c'est vrai. Donc, mais c'est une nouveauté scientifique, des avancées scientifiques qui sont développées ici à Québec, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'est le laboratoire du docteur Serge Rivet, situé au centre de recherche du CHUL, qui a développé cette idée de vaccin-là. Le chercheur est aussi le directeur du centre de recherche du CHUC, qui regroupe en fait les centres de recherche du CHUL, de l'Hôtel-Dieu de Québec et de Saint-François-d'Assise. Et ce chercheur-là vient tout juste de publier les résultats de son équipe dans la revue très renommée qui s'appelle Proceedings of the National Academy of Sciences. Et la publication a été faite en janvier 2013. Tout récent. Oui, c'est ça, exactement. Ces recherches ont été effectuées en collaboration avec la compagnie pharmaceutique GlaxoSmithKline, qui possède d'ailleurs là, une usine dans le parc technologique de la ville de Québec. Ouais. D'ailleurs, là, le premier auteur de l'article, qui s'appelle Philippe Michaud est lui-même chercheur là, pour la firme. Mm-hmm, d'accord. Donc, malgré tout, Dr. Rivet n'est pas le seul chercheur à s'intéresser à cette maladie dégénérative qu'est la maladie d'Alzheimer. Donc, en quoi est-ce que les résultats de ces recherches sont différents par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'ils apportent de plus? Oui, bien, en fait, avant de décrire là, exactement en quoi consiste le vaccin contre l'Alzheimer qui a été développé là, par le Dr. Rivet, je veux prendre quelques minutes pour expliquer un peu ce que le chercheur considère comme étant la cause de la maladie. Parce que ça, même, c'est pas tout le monde, tous les chercheurs s'entendent pas pour là-dessus. Mm-hmm. D'après lui, c'est le peptide bêta-amyloïde qui provoque les pertes de mémoire caractéristiques de l'Alzheimer. Et ce peptide toxique-là est retrouvé là, de manière naturelle dans le cerveau, mais est normalement éliminé par notre système immunitaire. À l'inverse, là, les individus qui sont atteints de l'Alzheimer ne sont pas en mesure de se débarrasser de ces peptides-là, ce qui permet aux molécules toxiques, là, les peptides bêta-amyloïdes, de s'agglomérer dans le cerveau en ce qu'on appelle des plaques séniles. Puis selon de nombreux chercheurs qui travaillent là, sur l'Alzheimer un peu partout à travers le monde, ces plaques séniles-là seraient à l'origine de la maladie. D'accord. Mais tu dis donc que tout le monde possède ces peptides, là, les bêta-amyloïdes. Ouais. Qu'est-ce qui explique que les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne soient pas capables de les éliminer, ces plaques séniles, finalement? Oui, bien, en fait, la réponse à cette question-là n'est pas complètement élucidée, là, même aujourd'hui, mais on sait que ça aura un lien avec les cellules microgliales du cerveau. Ces cellules-là, en fait, font partie du système immunitaire, mais sont retrouvées exclusivement dans le cerveau. D'accord. Donc, chez un individu en santé, les cellules microgliales éliminent les peptides bêta-amyloïdes. Puis, ce système de défense serait toutefois compromis chez les individus qui sont atteints de l'Alzheimer. Puis c'est justement sur cet aspect-là de la maladie que le Dr. Rivet a axé ses recherches. Il a émis en fait l'hypothèse qu'en stimulant le système immunitaire là, des personnes qui sont atteintes de la maladie, on pourrait permettre l'élimination des plaques séniles par les cellules microgliales du cerveau. Mm-hmm. Faut toutefois le mentionner que le Dr. Rivet n'est pas le premier chercheur à baser ses recherches sur cette hypothèse-là. Mm-hmm. Donc là, tu parles que la stratégie, ce serait de stimuler les cellules microgliales pour qu'elles éliminent les plaques séniles. Mais comment on fait pour stimuler les cellules microgliales? Oui, ben en fait, c'est par l'utilisation d'un adjuvant. Puis l'adjuvant, en fait, c'est un stimulateur du système immunitaire. Là. On a souvent entendu ce nom-là parce qu'on le retrouve dans la majorité des vaccins afin d'améliorer leur efficacité. Dans le fond, c'est juste, c'est ça permet de stimuler là, le système, les cellules du système immunitaire. Dans le cas des recherches du docteur Rivet, l'adjuvant utilisé était une molécule d'origine bactérienne qu'on appelle le lipide monophosphorylique A, ou plus simplement le MPL. C'est plus simple. Ouais, c'est ça. C'est de cette molécule que serait constitué le vaccin contre l'Alzheimer du chercheur. Puis en fait, le MPL, c'est un dérivé des lipopolysaccharides. Puis les lipopolysaccharides, ou LPS, plus simplement, c'est une composante essentielle de la membrane d'une classe de bactéries. Mm-hmm. Puis en fait, c'est l'origine bactérienne des MPL qui expliquerait d'ailleurs que notre corps active son système immunitaire après avoir été mis en sa présence. Et est-ce que l'efficacité de cet adjuvant contre la maladie a été testée en laboratoire? Oui, en fait, le docteur Rivet a testé le vaccin sur des souris qui ont été génétiquement programmées pour développer la maladie d'Alzheimer. Donc, ils ont injecté l'adjuvant MPL chez ces souris-là sur une période de 12 semaines à une fois par semaine, pendant 12 semaines, puis ils ont été en mesure, ces souris-là ont été en mesure d'éliminer 80% de leurs peptides bêta-amyloïdes. Mm-hmm. Oui, quand même. Donc, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce qu'on peut penser que c'est une bonne avancée vers un médicament contre l'Alzheimer chez les humains? Oui, on peut penser à ça, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Il faut se souvenir que rien n'est encore prouvé là, à propos des causes de la maladie. Vrai, Donc, dans ses recherches, le docteur Rivet s'est basé sur la prémisse selon laquelle les plaques séniles formées dans le cerveau par, comme j'ai dit plus tôt, par l'agglomération des peptides bêta-amyloïdes provoqueraient la maladie. Mais par contre, c'est une hypothèse qui est de plus en plus contestée dans le milieu de la recherche. Et pourquoi? Parce que dans les dernières années, il y a plusieurs autres laboratoires qui ont proposé des vaccins composé d'un adjuvant, comme un peu celui proposé par le docteur Rivet, en fait, qui avait comme but d'éliminer les plaques séniles du cerveau. Les résultats obtenus en laboratoire dans ces recherches antérieures-là, encore une fois, étaient faits sur les souris puis étaient très prometteurs, mais aucun chercheur n'a réussi jusqu'à maintenant à transposer ces résultats à l'humain. En fait, les chercheurs ont réussi à faire diminuer la quantité de plaques séniles dans le cerveau des personnes atteintes de l'Alzheimer, mais cette diminution-là n'avait pas d'impact notable sur leur comportement. Mmh. En fait, le vaccin administré ne les aidait pas à retrouver la mémoire. Ouais. Donc, si je comprends bien, les chercheurs se demandent toujours si le peptide bêta-amyloïde qui s'agglutine et qui forme les plaques séniles, est-ce que c'est bien ça qui est à l'origine de la maladie d'Alzheimer? Il y a toujours cette question en arrière. Oui, exactement. Les chercheurs tentent, c'est très compliqué. Ça fait des années qu'on cherche un remède à l'Alzheimer, donc c'est pas pour rien. Les chercheurs tentent de déterminer si les plaques séniles de bêta-amyloïde sont la cause de la maladie, ou encore si c'est une des causes de la maladie, il pourrait avoir plusieurs causes indépendantes qui causent la maladie d'Alzheimer, ou plutôt si c'est une conséquence. Les plaques séniles pourraient être une conséquence d'une autre cause qui cause l'Alzheimer. Donc, les chercheurs qui contestent l'hypothèse selon laquelle les plaques séniles sont à l'origine de la maladie font leur jugement sur le fait que les expériences passées ont donné peu de résultats concluants chez les individus atteints d'Alzheimer, comme j'ai mentionné plus tôt. Mm-hmm. Le docteur Rivet, par contre, répond à cet argument en parlant du fait que les vaccins qui ont été développés dans le passé ne s'attaquaient qu'aux plaques séniles du cerveau, alors qu'il y a beaucoup d'autres peptides bêta-amyloïdes qui sont retrouvés sous d'autres formes dans le cerveau. Donc, mais par contre, ces autres formes-là sont tout aussi toxiques que les plaques séniles. Donc, Dr. Rivet se fie sur cette observation-là pour affirmer que le vaccin développé par son équipe, on ne peut pas, en fait, le comparer aux autres vaccins qui ont été développés avant. Selon lui, l'adjuvant utilisé par le Dr. Rivet, par son équipe, le MPL, agirait contre toutes les formes de peptides bêta-amyloïdes. C'est ça. Ça serait ça la différence, en fait, avec les vaccins. C'est ça. Les autres, finalement, n'enlevaient qu'une partie du problème, qu'une partie des bêta-amyloïdes. C'est alors ça. Que là, on en enlèverait différentes formes. En fait, hypothétiquement, parce que ça n'a pas été... Hypothétiquement, c'est toujours bien de préciser. Ouais, c'est ça. Et donc, à ce stade-ci, là, quelles sont les prochaines étapes à suivre pour tester le vaccin? Là, on est rendu, en fait, selon le Dr. Rivet, a dit que les tests cliniques devraient commencer cette année. Puis si les résultats sont concluants, il pourrait y avoir mise en marché du vaccin d'ici quelques années. Et quand tu parles de tests cliniques, on parle de tests sur les humains? Oui, c'est ça. Après les tests faits sur les souris, Dr. Rivet tente maintenant d'appliquer les résultats obtenus, qui étaient, je rappelle, 80% d'élimination des plaques séniles. Il voudrait appliquer ces résultats-là à l'humain. Donc, mais par contre, il faut se rappeler qu'il y a encore plusieurs détracteurs du projet qui continuent d'affirmer que le vaccin sera inutile dans le traitement de l'Alzheimer. Il reste au docteur Rivet maintenant d'obtenir des tests cliniques là, concluants mm-hmm. pour s'il veut convaincre la communauté scientifique de l'utilité de ses mm-hmm. recherches. Mm-hmm. Bon, peut-être qu'on va avoir un développement de ça dans l'année à venir, peut-être, ou dans les 2 années à venir. Et bon, une fois que ce vaccin fonctionnerait, par exemple, est-ce qu'il serait utilisé en traitement ou en prévention de la maladie? Les deux. Il pourrait être, en fait, c'est ce que le docteur Rivet mentionne. On pourrait administrer le vaccin aux individus malades, ainsi mm-hmm. qu'à ceux qui ne sont pas encore atteints de la maladie, là, mais qui présentent des risques de l'être. Mm-hmm. Puis là, par risque de l'être, c'est un peu flou là, comme terme, mais bon, ça peut être quand la maladie est transmise dans la famille, par exemple, ouais, là, ou les gens qui sont plus à risque. Là, ouais, voilà. Ou peut-être aussi si on fait des tests très tôt dans le dépistage de la maladie, donc il n'y a pas encore de symptômes, mais que bon, il y a des tests qui indiqueraient que les risques sont là, que les symptômes arrivent. Ouais. D'accord. Donc, ça inclut, j'imagine, des tests génétiques là, à ce moment-là. Oui, peut-être. Ben, c'est très intéressant, ces travaux. Puis, ça montre aussi les dessous de les recherches, les difficultés qu'il peut y avoir pour développer des nouveaux traitements. Alors, merci beaucoup, Camille. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous. Et puis, ben, maintenant, on va passer en pause publicitaire. Et bien sûr, vous êtes toujours sur Futur Simple, sur CKRL et toujours au 89.1.